Bienvenue à la forêt enchantée d'Altkirch. Laissez-vous emporter par la ferveur des festivités de fin d'année et entrez dans la magie des contes et légendes d'Alsace. Notre visite débute place de la Halle au Blé, devant la station du lac gelé. À présent, retournez-vous, la pétillante dame aux fraises vous attend. La dame aux fraises. Le bois du Hasenberg, près de Hagenbach, se trouva jadis hanté par un étrange fantôme. La dame aux fraises, appelée ainsi parce qu'elle errait dans le bois au moment de la cueillette des fraises. Qui était-elle? D'où venait-elle? Que voulait-elle? Nul ne l'a jamais vraiment su, mais on pensait qu'elle veillait jalousement sur ces petits fruits rouges et parfumés qui poussent et mûrissent au ras du sol à la portée des menottes enfantines. Au début de l'été, on évoquait souvent la dame aux fraises pour menacer les enfants tentés de gagner la forêt pour satisfaire leur gourmandise. Pourtant, certains osaient s'aventurer, mais s'enfuyaient très vite dès que se montrait l'apparition. Elle n'avait cependant jamais fait de mal à personne. Aussi, tout en se sauvant à son approche, il prenait le temps de la regarder un peu et la décrivait vêtue d'une robe plissée richement décorée qui tombait jusqu'à ses pieds et parée de longs cheveux blonds lui descendant derrière les épaules. Quand elle marchait, c'est à peine tant elle était légère si elle touchait terre. Un jour, elle surprit trois fillettes occupées à remplir de fraises leur petit panier. En la voyant, deux d'entre elles s'échappèrent effrayées, tandis que la troisième, très hardie, demeura sur place, sans doute subjuguée par la beauté de la dame. Elle ne craignit donc pas la merveilleuse apparition quand elle l'approcha pour lui caresser la tête et lui demander d'une voix mélodieuse de réciter 5 patères à son intention. La petite s'exécuta docilement et une fois la prière achevée, la fée disparut telle une écharpe de brume dispersée par un souffle de brise. L'enfant entendit alors, à travers la forêt, sa voix tendre qui dit « Je suis délivrée d'un lourd fardeau et je vais bientôt t'en récompenser. » Toute rêveuse, elle regagna la maison de ses parents. Quelques jours plus tard, elle fut prise d'un mal étrange et s'éteignit doucement comme une lampe privée d'huile. La dame aux fraises, fidèle à sa promesse, venait de l'accueillir dans l'au-delà. Après cette charmante rencontre, dirigez-vous sur votre gauche, traversez la rue jusqu'à l'extrémité de la place. Au loin, une lueur dorée nous interpelle. La légende de la carpe d'or. En ce temps-là, le fils du comte de Ferrette aimait à se promener du côté de Liebsdorf. Un jour, il rencontra une jeune bergère dont la beauté l'éblouit. Éperdument amoureux de la belle et n'osant lui déclarer sa flamme, il exprima son amour en un poème qu'il grava sur la pierre où elle aimait se reposer. Séduite par ce doux message, la bergère accepta aussitôt d'épouser le chevalier. Hélas, fallait-il encore convaincre le comte de Ferrette, qui s'opposa à de telles épousailles? Croyant l'exploit impossible, le comte exigea de la bergère qu'elle accomplisse quelque action extraordinaire qui la rende digne de ce mariage. Confiante, la jeune fille lui proposa de goûter à ses mystérieux poissons d'or. Intriguée, celui-ci accepta. Elle alla alors pêcher des carpes qu'elle prépara à sa façon et fit dorer à l'huile. Conquis par les délices qui lui étaient proposés, le comte accepta bien volontiers l'union de son fils et de la bergère. Il leur fit même construire un château sur la pierre témoin de leur idylle, endroit désormais connu sous le nom de Liebenstein, qui signifie « pierre de l'amour ». C'est ainsi que la carpe frite devint un mets si prisé dans le Sundgau. « Revenez sur vos pas. La rue Charles de Gaulle vous appelle. Admirez ses décorations et ses magnifiques illuminations à la tombée de la nuit. Arrêtez-vous un instant sur votre gauche, au bord de la fontaine de la place Guitzwiller. Le moulin des chats du Florimont. Le seigneur de Florimont marchait le long d'une petite rivière sur ses terres et s'étonna qu'aucun de ses ancêtres n'ait jamais pensé à exploiter cette abondance d'eau pour faire tourner la roue d'un moulin. Il en fit donc construire un. Un meunier de talent se présenta, tenté par cette expérience. Dès le lendemain de son engagement, le seigneur voulut constater par lui-même le résultat des efforts de son locataire. La porte était fermée, les roues étaient silencieuses et l'eau débordait des canaux. Il fit sauter la porte et, avec effroi, aperçut le pauvre meunier étendu devant un coffre à farine, le visage écorché, gonflé et bleui. Il en fut de même avec 6 locataires successifs. Un jour, un meunier étranger, ayant entendu parler du moulin ensorcelé, désira faire un nouvel essai malgré tous les dangers. Le bienveillant seigneur le lui déconseilla très fortement, mais l'étranger persista avec force dans son projet. « Je prends tout sur moi. Toutefois, faites-moi donner pour la nuit prochaine 6 petites écuelles pleines de lait, une miche de pain, un bon morceau de fromage et une hache bien affûtée. » Il disposa les écuelles de lait près d'un coffre à farine sur lequel il s'installa. Puis, il mangea tranquillement son pain et son fromage et attendit les événements. Aux 12 coups de minuit, la porte du moulin sauta brusquement, laissant entrer un grand chat blanc suivi de 5 chatons tout aussi blancs qui voulurent boire le lait avec avidité. À peine entré, un grand chat noir s'élança sur le meunier qui brandit sa hache et trancha sa patte avant. Avec un hurlement effroyable, la bête s'enfuit, suivie des autres chats. Au sol, le meunier vit une fine et blanche main de femme, ruisselante de sang. Le seigneur entra au même moment et pâlit en remarquant à l'un des doigts l'anneau de sa propre épouse. En rage, il se hâta vers la chambre de sa femme et se planta devant le lit, jeta la main sanglante à la face de la meurtrière qui gémissait de douleur. Quelques jours plus tard, elle fut brûlée pour sorcellerie sur la place publique de Delle. Dans la croyance populaire, les sorcières se changent souvent en chats. Lorsqu'elles sont frappées ou qu'un de leurs membres est blessé ou coupé pendant leur transformation, elles souffrent de ces blessures lorsqu'elles reprennent à nouveau forme humaine. Pour la suite de la visite, dirigez-vous en face de la place où vous vous trouvez et empruntez la rue Omer de L. Le puits à bébé. Sur la route d'Altkirch, une vieille puisa 2 sœurs dans le puits à bébé pour en faire ses servantes. L'une gentille était plutôt laide, l'autre la méchante, aurait été jolie, mais son caractère était semblable à celui de sa mère, dur et malfaisant. Aussi était-elle sa préférée. À l'autre sœur incombait toute la besogne de la maison. Elle n'avait pour tout salaire que des reproches et des taloches. Son travail terminé, on lui mettait dans les mains une quenouille et un fuseau pour filer jusqu'à s'écrouler de fatigue. Un jour, assise sur la margelle du puits en filant, la quenouille lui échappa et tomba dans le puits. La petite éclata en sanglots. La vieille accourut, cria, frappa et la poussa dans le puits en lui ordonnant de ne remonter qu'avec la quenouille. La petite fille tomba lentement et fut déposée avec douceur au fond du puits, un jardin merveilleux empli de fleurs et d'arbres chargés de fruits. Quand elle leva les yeux, elle vit volter dans les branches des centaines de bébés roses et potelés. Plusieurs s'approchèrent d'elle et lui tressèrent une couronne de fleurs qu'ils posèrent sur sa tête, qui devint subitement jolie. Elle se rappela le drame de la quenouille et se remit à pleurer. Les arbres pour la consoler s'inclinèrent et déposèrent dans son tablier leurs fruits. Une dame l'emmena dans un palais, lui proposa de dîner soit avec les maîtres, soit avec les bêtes. La fillette choisit les animaux. Pourtant, la dame la fit manger avec les seigneurs, qui la reçurent avec beaucoup de gentillesse. Elle fut conduite dans une jolie chambre pour y dormir. À son réveil, la dame l'attendait avec la quenouille et des cadeaux et lui proposa de choisir entre un magnifique carrosse et une vieille charrette pour la ramener à sa maison. La fillette choisit la carriole, mais la dame la fit monter dans le carrosse d'or tiré par deux grands chevaux blancs. Quand elle arriva, la vieille ne reconnut pas la personne bien habillée qui sautait du marchepied et qui tenait au creux de son tablier des fruits d'argent et d'or. Reconnaissant enfin sa fille, la vieille voulut s'emparer des fruits qui lui échappèrent. Elle renonça. Alors ils revinrent d'eux-mêmes se nicher dans le tablier. Furieuse, elle poussa sa fille préférée dans le puits afin qu'elle lui rapporte également des trésors. Mais la vaniteuse petite fille ne rapporta ni argent ni or. Elle dîna et dormit avec les bêtes et rentra chez elle sans cadeau dans la vieille carriole brinque-ballante. Continuez votre chemin vers le bas de la rue jusqu'à la place des Trois Rois. La pomme magique. Le seigneur Pierre de Morimont et son épouse Mathilde vivaient dans un château au pied duquel jaillissait une source. Sur ordre de l'empereur, Pierre rassembla une troupe de mercenaires et prit leur tête pour se diriger vers la Suisse alors que Mathilde attendait un enfant. Un jour, l'ondine qui habitait la source surgit des flots et lui dit « Quand ton enfant sera né, je lui servirai de marraine ». Le lendemain, une petite fille que l'on prénomma Mathilde vint au monde. Le jour de son baptême, parut sa marraine qui lui offrit une pomme et dit à sa mère « Ce fruit est magique. Grâce à lui, quand elle sera grande, elle pourra réaliser les trois vœux qui lui tiendront le plus à cœur. » L'armée du seigneur de Morimont vaincue et lui-même grièvement blessée provoquèrent la mort de Dame Mathilde, laissant la petite livrée à elle-même. Plus tard, son père revint et prit en seconde note Gertrude de Rothberg, très dépensière. À la recherche d'or et de bijoux, elle trouva dans un coffret une pomme ridée qu'elle lança rageusement au pied de la petite Mathilde près de la source d'où l'ondine jaillit. « Cette pomme est ton cadeau de baptême et te permettra d'exaucer trois souhaits. Si tu la tiens dans tes mains et la tournes trois fois en disant ces paroles, nuit après moi, jour devant moi, afin que personne ne me voie, tu deviendras invisible. Pour réapparaître, tu devras prononcer les paroles « Jour après moi, nuit devant moi, afin qu'en nouveau, l'on me voie. » Afin de régler les folles dépenses de son épouse, Pierre de Morimont devint brigand. Ses voisins fâchés incendièrent son château. Seule Mathilde survécut. Après avoir traversé plusieurs villages, elle finit par arriver à la commanderie de Rixheim, où vivait une vieille servante qui gardait les bâtiments et s'occupait des bêtes durant l'absence des chevaliers partis en guerre. Elle prit la fillette en pitié, lui donna les oies à garder, mais plus elle grandit, plus la vieille devint méchante. Revenue de la guerre, un jeune chevalier décida de se marier et de donner une grande fête. Mathilde se prit à rêver et voulut tenter le pouvoir de la pomme. Revêtue de la plus jolie robe du monde, elle dit la formule pour se rendre invisible et surgit au milieu de la pièce au moment où le jeune chevalier entrait. Elle ne quitta pas les bras du chevalier, tombée fou amoureux d'elle, et disparut comme elle était venue, par enchantement. Pour la retrouver, le chevalier donna une autre fête où Mathilde se rendit et lui passa sa bague au doigt. Elle s'évanouit dans l'air, alors il tomba malade. Mathilde se rendit dans la forêt de la Harte pour récolter des plantes guérisseuses afin de préparer une tisane qu'elle fit porter au chevalier qui, lorsqu'il la but, trouva au fond de sa coupe la bague. Le chevalier emmena Mathilde pour la présenter à sa mère qui, ne connaissant pas ses nobles origines, la détesta sans retenue. Après le mariage, le chevalier dut partir à la guerre alors que Mathilde attendait un enfant. Elle donna naissance à un garçon. Sa belle-mère se glissa dans la chambre, saisit le bébé, le remplaça par un jeune chien, mit son petit-fils dans un panier et le lança dans la rivière qui coulait au pied du château. Puis elle harcela son fils pour lui conter que son épouse avait accouché d'un monstre afin qu'il ordonne sa mise à mort. Elle tenta d'ébouillanter sa belle-fille dans son bain, mais l'ondine intervint et sortit des plis de sa robe un beau bébé blond. Au même moment, le chevalier, talonné par le remords, surgit et un chant pur s'éleva. « Je suis l'ondine, voix cristalline, reflet d'argent et perles fines, la fée marraine de la fontaine, et je ramène un bel enfant. » Arpenter la rue des boulangers jusqu'à sa placette, le détour en vaut la chandelle. Wilde le Grand vous y attend. Le retour de Wilde le Grand. Un noble chevalier du nom de Wilde le Grand se perdit dans les forêts soumgoviennes et fut incapable de retrouver le sentier menant au château de sa belle. Bien que fier de ses exploits chevaleresques, il dut se résoudre à invoquer l'aide des divinités de la forêt afin de mettre un terme à cette errance sans but. De guerre lasse, il finit par s'endormir profondément lorsqu'un tintement, qui semblait surgir de nulle part, l'éveilla en sursaut. Un léger brouillard venait d'envahir les bois environnants et, bien qu'armé d'un courage ancestral, le cœur de Wilde le Grand fut rempli d'une couardise soudaine. Sous ses yeux éberlués, une dame à la chevelure d'or et toute de blanc vêtue apparut. À ses côtés se tenait une petite licorne au pelage bleuté et scintillant qui semblait la protéger. Se croyant victime d'un sortilège, il recula et chuta à terre. Mumps la licorne interrogea sa maîtresse. « S'agit-il là du preux chevalier porteur de la complainte que nous avons entendu, ou s'agit-il plutôt d'un moribond égaré ?»« Douce Mums, qu'il soit moribond ou preux chevalier, il est de notre devoir de protéger tous les égarés possédant un cœur noble. » À ces paroles, la peur qui avait envahi le cœur du chevalier s'apaisa. Il s'agenouilla face à la fée souriante et la supplia de lui indiquer le chemin menant à son château. Faisant état dans son cœur de chevalier d'une vaillance sans faille, la fée demanda à la licorne de lui indiquer la voie à suivre, mais elle le mit en garde. « L'amour que tu portes pour ta belle devra être plus fort que le temps passé à nous invoquer. » Wilde le Grand enfourcha sa monture et suivit Mums, qui le mena à bon port. Il entra dans le château où sa belle l'attendait. Quelle ne fut pas sa stupéfaction en voyant un vieil homme lui tendre les bras. Elle sut que le temps passé avait duré plusieurs décennies, bien que le chevalier eut l'impression que cette rencontre n'avait duré que quelques minutes. Tel fut le prix à payer afin de retrouver sa belle. Mais leur amour fut plus fort, et ils restèrent unis jusqu'à ce que Dame Mort les sépare. Depuis ce jour, si la noblesse de votre cœur est à la hauteur de celle de Wilde le Grand, peut-être verrez-vous surgir les divinités de la forêt, prêtes à vous offrir leur service, à vous, promeneurs et voyageurs imprudents, en échange d'un peu de votre temps. Rebroussez chemin jusqu'au puits à bébé et empruntez la rue de l'Hôtel de Ville sur votre droite. Vous êtes à présent sur la place de la République. Prenez un instant pour admirer ces magnifiques façades, puis approchez de sa fontaine parée de mille feux. Ce qui leur vaudra de grands trésors. Un jour, une fillette du village la vit fouiller dans les pierres écroulées. « Viens ici, Jeannette, je te connais depuis longtemps et je sais que tu es assez brave pour pouvoir me sauver. Vas-tu avoir pitié de moi ? Je suis tant malheureuse. » « Mais oui, belle dame, je veux bien avoir pitié de vous, faire ce que vous me direz, pourvu que cela ne nuise pas à mon salut éternel. » « Sois tranquille, Je ne te demanderai rien qui puisse te porter tort. Il faut que tu viennes ici une nuit de vendredi. Quand il sonnera 11 heures, tu crieras très fort « Sainte Vierge et Sainte Catherine, protégez-moi !» Sur ce, tu verras arriver vers toi un dragon qui crache des flammes. Il ne faut pas en avoir peur, mais l'empoigner par la gueule, y plonger ta main et sous sa langue, tu trouveras une clé d'or. Prends-la et descends l'escalier de la ruine. Au fond d'un couloir, il y a une porte que tu ouvriras avec la clé d'or et où tu trouveras un riche trésor qui sera pour toi, sauf le ciboire en or garni de pierreries que tu porteras au desservant de la paroisse. La première fois qu'il dira la messe avec, je serai sauvé. L'enfant obéit, mais quand elle se trouva en présence du dragon, sa frayeur fut telle qu'elle n'eut pas le courage de l'affronter et qu'elle se sauva en poussant des cris terribles. Elle entendit alors la dame blanche gémir et dire « Ah, mon Dieu, me voici encore prisonnière pour 100 ans !» À présent, arpentez la place de la République. Attention, l'ogre de Rombac se cache à l'intérieur de l'un des cabanons. L'ogre de Rombac. De Célestat à Sainte-Marie-aux-Mines, les hommes tentaient de ne pas troubler le sommeil de l'ignoble ogre malfaisant qui s'était installé quelques mois plus tôt au château de Frankenbourg. Il était apparu sur la place du village de Rombac-le-Franc pour imposer ses conditions à la population à grand renfort de coups de poing rageurs et meurtriers, détruisant maisons et chaumières qu'il écrasait comme de simples fétus de paille. Il était envoyé par l'évêque de Strasbourg afin de redresser les âmes perdues de la population du Val d'Argent. En réalité, il convoitait les richesses produites par les filons d'argent des veaux environnants. Il encaissait des impôts prohibitifs et se chargeait de dévorer les richesses gastronomiques de la région tout en arrosant ses repas de la délicieuse eau de vie du Val de Villée. Les villageois, apeurés et persécutés, était contraint de le nourrir jusqu'à satiété. On lui apportait force charrettes de choucroute, brouettes de lard, de kessler, chapelets de saucisses et des tonnes de spécialités de la région. À tout cela s'ajoutaient moult desserts et des tonneaux de bon vin blanc du terroir. Mais un beau jour, ayant particulièrement abusé de la choucroute, l'ogre tomba malade et voulut alors qu'on trouve un remède à ses douleurs. Pour s'assurer de l'aide des villageois, il séquestra les enfants venus travailler dans les cuisines du château et menaça de les écrabouiller d'un simple coup de poing. L'ensemble des cuisiniers se réunit aussitôt. Pleutres pour la plupart, ils étaient globalement d'avis de laisser crever l'ogre ignoble. Mais Mathis Roquel, grand amateur de bière, connu pour sa sagesse et son franc-parler, s'exclama « Compagnons, vous connaissez mon amour pour la divine mousse et vous savez ses qualités digestives. Je pense que cette boisson de lumière pourrait éclairer nos relations et soulager par sa vertu salvatrice notre hôte encombrant. » Le kirsch restant sans effet sur l'ogre, la proposition fut retenue à la quasi-unanimité des votants. Moins de voix. Restait à trouver un brasseur. Tâche des plus difficiles en cette région vinicole et fruitière où le brassage de la bière ne devait se faire que clandestinement, de nuit, en dehors du bourg. Robert de Lang, ainsi nommé pour célébrer son incroyable célérité à descendre une chope, était brasseur clandestin à Saint-Hippolyte. Un jour où les notables de la ville avaient pris un repas riche et gras, ils eurent de très grandes douleurs à l'estomac et ne sachant comment soulager leurs maux, ils finirent par évoquer comme seule issue la consommation de la blonde boisson prohibée à l'amertume digestive. Les résultats furent immédiats et le brasseur gagna le droit de vendre sa bière au village. À l'issue du conseil des cuisiniers, le bon Mathis se précipita chez son ami Robert, le brasseur, d'où il ramena plusieurs tonneaux de chêne. Impatient, l'ogre ingurgita le tout en un éclair. Par miracle, il digéra et libéra ses otages sains et saufs comme il l'avait promis. L'ogre s'adoucit et devint convivial. Depuis ce jour, loin de vouloir piller ses nouveaux amis, il s'attacha à les aider en creusant les galeries des mines d'argent de ses grosses mains transformées en pelles magiques. Le Val d'Argent retrouva ainsi sa joie de vivre, bercé par les rires et les rots. La légende raconte que des gouttelettes issues de leur éructation joyeuse sont nées les balsamines des bois, ces fleurs jaunes parsemant les sous-bois alsaciens. Tendez l'oreille. On dirait bien une chèvre, mais oui, ce sont les animaux de la ferme. Chèvres, canards et lapins vous attendent avec impatience. Après les avoir dévorés des yeux, empruntez la porte de droite pour entrer dans la ferme. Le bestiaire fantastique. Ce bestiaire fantastique est le fruit de l'angoisse qui étreignait nos ancêtres. Pouvons-nous seulement concevoir ce qu'était jadis une nuit d'hiver, lorsque l'obscurité durait de 4 heures du soir à 9 heures du matin, lorsque l'homme n'avait aucun moyen d'éclairage? À la faveur des ténèbres, les bruits s'amplifiaient, les cris devenaient sinistres. Le grincement de deux branches se frottant, le moindre craquement était interprété comme des voix venant de l'au-delà. Le jeu des ombres aussi fut un sujet de terreur. Des nuages qui passaient et repassaient devant la lune créaient une atmosphère troublante, propice aux apparitions. Quant au feu follet, aujourd'hui scientifiquement expliqué, il provoquait de véritables paniques collectives. Les légendes alsaciennes sont peuplées d'animaux fantastiques. Derrière leur anomalie, ces bêtes recèlent un aspect fabuleux, leur conférant un pouvoir surnaturel. Qu'elles soient bienveillantes ou nuisibles, leur caractère et leur fonction sont toujours symboliques. À la sortie de la ferme, dirigez-vous vers la droite. Le duc Édouard vous accueille. La seconde jeunesse du duc Édouard. La troupe de cavaliers progressait difficilement. La pluie avait détrempé le sol dans lequel les sabots des chevaux s'engluaient. L'un des cavaliers se lamentait, épuisé, de ne jamais parvenir à rejoindre leur château. Le chevalier de tête de convoi lui répondit : « À te voir geindre ainsi, tu me fais penser à notre bon duc Édouard, qui, lorsque les premières rides lui sont apparues, ne les a point supportées. Depuis, la gaieté qu'il habitait a disparu, et il se morfond au sein des souvenirs de sa jeunesse passée. » Soudain, la douce mélodie d'un luth accompagné de jantes paroles vint chanter à leurs oreilles. Un ménestrel assis sur une roche jouait habilement de son luth. Le chevalier, ayant beaucoup apprécié son chant poétique, l'invita à les accompagner jusqu'au château, pensant que sa musique pourrait rendre le sourire au duc Édouard. Quand le groupe de cavaliers se présenta face au duc, il était prostré au centre d'un large fauteuil, affichant le visage d'un homme accablé et hanté par les souvenirs de sa jeunesse passée. Le musicien fit vibrer les cordes de son instrument et sa voix fine et douce chanta une complainte si envoûtante qu'elle fit sursauter le duc, soudain émerveillé. Il s'approcha pour poser sa main gantée amicalement sur l'épaule du musicien. Il lui demanda de lui enseigner l'usage de son instrument, car cela lui plairait de pouvoir compter de si belles paroles. Le troubadour lui répondit que s'il désirait acquérir le savoir qu'il possédait, il devrait lui-même forger son propre instrument et le faire vibrer selon son émoi. Le duc fabriqua de ses propres mains un luth. Les complaintes qu'il composa par la suite furent reprises par nombre de troubadours qui les propagèrent jusqu'aux portes du royaume. Quand le ménestrel repartit avec une bourse pleine de ducats, le chevalier qu'il avait présenté au duc le rattrapa. Intrigué par cette brusque ardeur retrouvée par son seigneur, il lui demanda quel était son secret. « Sachez, messire chevalier, que la jeunesse n'est point un chemin jalonné de bornes indiquant notre âge, mais un état d'esprit. Continuez le tour des cabanons. Deux nouveautés s'y cachent. On ne vous en dit pas plus. C'est un secret que l'on vous laisse découvrir par vous-même. La secrète fabrique d'un conte. Promenons-nous dans les bois. La forêt est souvent l'espace de l'épreuve et de l'aventure d'un individu confronté aux forces nocturnes de la nature. Elle est le lieu de rencontres magiques avec des animaux dangereux ou des êtres mystérieux qui engagent une épreuve physique avec l'homme. Épreuve d'où celui-ci sortira vainqueur et initié, ou perdant et mortifié. Elle peut être aussi le lieu de rencontre avec soi-même, avec sa propre peur à dépasser les événements. Ainsi, la forêt, comme un labyrinthe, est le symbole de toute quête initiatique. Il faut accepter de s'y perdre, d'y revenir sur ses pas, en avançant sans relâche vers un centre invisible, l'oreille et l'œil à l'affût des conseils et signaux rencontrés au coin des sentiers. Les héros et héroïnes des contes ne sont pas seuls dans leur quête. Des personnages clés sont souvent sur leur passage. Le bûcheron ou la vieille femme en sont les principales figures, présentes pour les guider et annoncer les prochaines étapes de leur périple. Ces rencontres préparent les héros aux épreuves qui les attendent, mais aussi à leur future intégration à la société. Dans les contes, l'épreuve la plus fréquente reste la rencontre avec des bêtes sauvages et ou des êtres fantastiques. L'ogre, les nains, les elfes, les lutins, les fées. Celui qui saura faire alliance avec eux ou qui saura les détruire afin d'acquérir leurs facultés et leurs pouvoirs, réussira. La liberté se profile toujours à la sortie de la forêt. Liberté de devenir ce que l'on a envie d'être. Liberté d'une vie en correspondance avec ses envies et ses capacités. Les jeunes héros qui se retrouvent dans la forêt n'y arrivent pas de leur plein gré. Ils subissent, en général, la volonté de quelqu'un d'autre. Pour le garçon, acquérir des forces et des pouvoirs auprès des habitants de la forêt, hommes et bêtes, lui permettra d'affronter la mort et de la vaincre quand il passe de l'autre côté. Les jeunes femmes se retrouvent souvent au fin fond de la forêt parce qu'on les a chassées. Conscientes de leur rejet de la société, en dehors du rôle d'épouse qu'on veut bien leur faire jouer, elles n'ont aucune place. Ce monde n'est pas fait pour elles. Le séjour dans la forêt est le maillon d'un ensemble, la transmission d'un authentique savoir féminin. La forêt joue ici un rôle de mère, éducateur et pédagogique, auprès des jeunes filles perdues. Le passage dans la forêt révèle aux êtres les grands traits de leur destin. Il est temps de quitter la place et de se diriger vers l'église. Admirez toutes ces lumières qui l'illuminent. Sur votre droite, les sorcières guérisseuses vous donnent rendez-vous. Ouvrez bien l'œil dans les caisses en bois, grimoires, remèdes magiques et herbes médicinales se côtoient. On dirait bien qu'une potion se prépare. Les guérisseuses. On disait qu'elles étaient des sorcières, mais de bonnes sorcières, qui soignaient les malades avec des herbes des champs. À 16 ans, j'ai eu un mal d'œil. Il y avait la mère R, à Ranru. Quand vous arriviez chez elle, elle vous faisait mettre la tête couverte d'un linge blanc sur la table, puis soulevait la paupière, mettait une pierre d'écrevisse dedans, et cette pierre tournait dans l'œil et la douleur disparaissait. C'était une pierre comme une petite fève qui se trouvait dans une tête d'écrevisse. Quand les femmes étaient accouchées, il était d'usage de croire qu'elles ne devaient pas filer, ni faire tourner aucune roue, parce que l'on disait que l'enfant aurait toujours le vertige. Elles ne devaient point cuire du pain, parce qu'aussi loin leurs mains allaient dans la pâte, aussi loin l'enfant avançait dans le larcin. On ne devait pas chercher du feu chez elles, parce que les enfants sueraient toujours. Et on ne devait pas éteindre la chandelle pendant la nuit, parce que quelque chose venait chercher les enfants et les remplaçait par d'autres sans eau et qu'ils ne grandissaient jamais. On dit aussi que l'on peut faire du beurre un certain jour de l'an, mais je ne sais lequel. parce que ceux qui le savent ne disent pas avec quel beurre on peut guérir plusieurs maux, ni même quel maux on peut guérir avec. Oubli ou secret bien gardé. Dépêchez-vous de ressortir du sentier glissant. Il ne faudrait pas qu'on vous surprenne en train d'espionner. Rapprochez-vous du parvis de l'église pour la suite de la visite. Les deux sapins de l'église Sainte-Aurélie de Strasbourg. Un orphelin logeait dans une masure avec sa grand-mère qui se privait de tout pour que le petit mangeât à sa faim. Autour de Noël, l'enfant eut l'idée de gagner un peu d'argent et partit vers le bois pour couper deux petits sapins et les vendre. Après plusieurs refus, triste et fatigué, il tenta sa chance devant une maison quand un grand diable d'homme ouvrit la porte brusquement. Elle lui demanda ce qu'il voulait. L'enfant baissa les yeux humblement, non sans avoir aperçu un arbre magnifiquement décoré et trois gentils enfants qui dansaient et chantaient, ainsi qu'une oie qui rôtissait. Il murmura son désir de lui vendre ses deux petits arbres, mais saisit l'inutilité de son vœu devant la splendeur de l'arbre de la maison. Le grand barbu était maître Heidel, syndic des pépiniéristes. Il vendait les plus beaux sapins à tous les gens riches de la ville. Il se moqua de l'enfant, lui claqua la porte au nez, mais il entendit une voix lui rappeler que le Seigneur lui avait donné force, santé et chance, sans lesquelles ses propres enfants pourraient eux aussi proposer des sapins rabougris dont personne ne voudrait. Il rappela l'enfant et lui donna un beau lis d'or. Le jour de Noël, Madame Heidel poussa les deux petits sapins dehors. Ses enfants allèrent les planter derrière l'église Sainte-Aurélie. Il y a foule à l'église où l'on voyait jadis sur un des vitraux une jolie colombe. Au grand étonnement de tous, elle s'en détacha et vola droit vers Heidel, se posa sur sa poitrine et parla. « Regardez celui qui s'est souvenu qu'il faut avoir des trésors de bonté pour les enfants des pauvres, car celui qui nous a sauvés était le fils d'un pauvre. Il naquit dans une étable parce qu'on ne voulait de lui nulle part ailleurs. » Puis la colombe invita l'assemblée à venir contempler un prodige derrière l'église. Deux sapins hauts comme deux clochers s'élevaient vers le ciel. L'orphelin devint un prospère commerçant, s'associa avec maître Heidel, épousa sa fille et devint lui-même syndic des pépiniéristes. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Dirigez-vous vers la droite de l'église et empruntez le sentier. Entendez-vous ce petit rire? On dirait bien que nos lutins farceurs préférés ont déjà flairé votre arrivée. Regardez bien où vous mettez les pieds. Ils pourraient vous jouer un mauvais tour. Les fouletaux. Le fouletau est un lutin discret, très difficile à apercevoir en raison de sa petite taille et de la grande méfiance qu'il entretient envers les hommes. Sous un bonnet rouge et pointu, il est vêtu d'une tenue de camouflage verte qui lui permet de vous observer sans être vu. De grosses joues rondes, des yeux rieurs, une barbe fournie et douce. Le fouletau est charmant mais aussi fief et farceur. Les nourrices s'en méfient car elles savent que le gnome des bois éprouve une véritable passion pour le lait, prompt à imaginer de malicieux stratagèmes pour s'emparer du fruit de leur tétée. Jacotte trouva caché dans un buisson un petit enfant emmailloté dans une couverture. Par pitié, elle le ramena à la maison, lui prépara du lait de vache et quand elle voulut lui donner la becquetée, elle récita une prière. Le fouletau bondit alors de sa couverture et partit en riant, heureux du tour qu'il venait de lui jouer. Toutefois, ne vous moquez jamais du lutin, il pourrait se venger. Le paysan Goujti surprit un fouletau en train de tirer directement du lait du pis d'une de ses vaches. En colère, il vociféra et l'éloigna à grands coups de bâton. Le fouletau en colère l'avertit que s'il ne trouvait plus ses vaches le lendemain dans l'étable, c'est qu'il lui aurait volé et mise sur le toit de sa maison. Le lendemain matin, Gucci hallucina. Ses vaches broutaient paisiblement le toit de chaume de sa maisonnée. Stupéfait et paniqué à la fois, il alla chercher les gars du village pour l'aider à récupérer ses bovins. Il insista, supplia. Ils cédèrent et se rendirent à sa ferme où ils découvrirent dans l'étable les vaches couchées sur le flanc. De rage, les villageois rouèrent de coups gouchti pour se venger de leur avoir fait perdre du temps en pleine récolte. Le rire du fouletau résonna, tout fier d'avoir rendu la monnaie de sa pièce aux paysans. Lors de vos prochaines promenades dans les forêts alsaciennes, soyez attentifs. Un bruissement de feuilles, des chuchotements discrets, un petit rire étouffé? Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes certainement observé par ce petit lutin malicieux. Regardez, sacré farceur, nous avons été transformés en petits fouletaux. Poursuivez votre chemin en arpentant ce charmant sentier. Les animaux de la forêt vous observent. La gorge au loup. Dans la gorge au loup, qui se trouve à une demi-heure de Ferrette entre les falaises de la Heidenflue, profondément enfoncées dans la montagne, habitait il y a de nombreux siècles un petit peuple de nains qui avait élu domicile dans les innombrables petites grottes taillées dans le roc. Ils vivaient là, deux par deux, un petit homme et une petite femme, en parfaite harmonie. Les nains jouissaient depuis toujours d'une éternelle jeunesse, et l'éclat particulier de leurs yeux brillait comme des étoiles. Au temps de la fenaison et de la moisson, ils arrivaient à l'accoutumée en foule bigarrée de leurs cavernes, des collines, munis de leurs instruments agricoles faits d'argent brillant, et s'alignaient en rang avec les faucheurs, et les andins tombaient avec régularité à leur passage. Ils prenaient part aux événements gais ou tristes, et à leur départ, ils laissaient de riches cadeaux pour jeunes et vieux. Les gens savaient se montrer reconnaissants envers leurs petits bienfaiteurs, mais quelque chose ne leur plaisait pas, car les nains portaient des robes si longues qu'elles touchaient terre et cachaient toujours leurs pieds. Bientôt, quelques jeunes filles ne purent retenir plus longtemps leur curiosité. Un jour, elles montèrent avant le lever du soleil à la gorge au loup et répandirent du sable fin sur le large plateau rocheux qui s'étendait au-devant. Elles pensaient qu'en allant se promener de bon matin dans la forêt, les pieds des nains laisseraient obligatoirement leurs empreintes dans le sable et qu'ainsi elles sauraient la vérité. Elles se cachèrent dans les buissons pour observer. Dès que le soleil se leva sur la porte rocheuse de la grotte, les nains de la montagne sortirent en sautillant et marchèrent sur le plateau rocheux vers la forêt. Les jeunes filles s'aperçurent alors qu'ils avaient laissé sur le sable des traces de pieds de chèvre. Elles en rirent si bruyamment que les nains les entendirent, se retournèrent et, devant ce comportement indiscret qu'ils prirent comme une trahison, rentrèrent à la grotte avec de tristes mines. Depuis ce jour, ils ne se sont plus jamais montrés. Reprenez votre route, mais ne vous laissez surtout pas attendrir par ces bonnes odeurs de friandises. La maisonnette en crêpe. Un couple de bûcherons très pauvres et leurs enfants, Ensala et Kreetala, vivaient dans une humble demeure. La disette frappait le pays. À deux reprises, ils abandonnèrent les deux petits au fond de la forêt, car ils n'arrivaient plus à les nourrir. La première fois, Ensala, ayant surpris leur conversation, avait semé le long du sentier des cailloux blancs qui étincelèrent sous la lune et les ramenèrent à la maison. Enfermé à clé la nuit précédant le second abandon, il ne put que semer des miettes de pain que les oiseaux mangèrent. Sans repère, ils s'enfoncèrent dans la forêt quand un oiseau blanc les invita à le suivre vers une extraordinaire maison construite en pâte à pain avec un toit couvert de crêpes. Soudain, une vieille bonne femme apparut et les invita à entrer, mais c'était une vilaine sorcière qui avait construit ce logis pour y attirer les enfants, les engraisser et les dévorer. Elle se saisit d'Ensala et l'enferma dans l'enclos aux oies, puis ordonna à Gretala de faire à manger à son frère afin de satisfaire son appétit de chair humaine. Quelques jours plus tard, la sorcière presque aveugle voulut estimer l'embonpoint du garçonnet en lui demandant de tendre sa main hors de l'enclos. Ensala, conscient du risque, rusa et lui tendit un os de poulet à la place de sa main. Elle le trouva trop maigre pour être dévoré. Trop impatiente lorsque la scène se reproduisit, elle cria à sa sœur de chauffer le four pour y cuire son frère. Les flammes étaient énormes. Gretala demanda à la sorcière de lui montrer comment estimer la chaleur du four. La vieille grimpa dedans. Gretala la poussa violemment et la vilaine femme mourut brûlée. Les enfants trouvèrent des caisses pleines d'or et de pierreries dans la maison. Chargés de ce trésor, ils s'enfuirent. Arrivés face à une grande étendue d'eau qui leur semblait infranchissable, un grand canard blanc les prit sur son dos pour leur permettre de traverser. Ils retrouvèrent enfin leurs parents, emplis de remords, et versèrent sur la table leur trésor qui scintillait. Ils vécurent longtemps, heureux, riches et enfin réunis. Doucement, les pages du livre se referment. Le parcours conté est à présent terminé. Les animaux et créatures magiques de la forêt enchantée vous remercient de votre visite et espèrent vous revoir très bientôt. Avant de repartir, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à vos poches. Nous ne voudrions pas qu'un de nos lutins malicieux se soit glissé à l'intérieur.